Mesdames et messieurs, le maître de cérémonie, Alexandre Mourinho. Ouais, ouais, ouais, je me casse, non. Et donc, mesdames et messieurs, le premier festival clandestin de chez Arthur, on applaudit. Ouais. Donc, avant que ça démarre, vous serez prié déjà de éteindre vos portables. Voilà, parce que ça fait du bruit dégueulasse avec les amplis. Tant pis pour ceux qui sont pas là. Ouais, tant pis pour ceux qui seront pas là, hein. Ils vont se faire foutre. Donc, alors, normalement, il y aura aussi Quentin qui va passer un petit saut à pièce. Oh, il est mignon, Quentin. Allez, passe. Tout le monde t'attend. Allez. Oh, ça pète. Mais pourquoi j'irai fermer la porte? Fermez la porte. Mais celle du fond, celle du garage. On a confiance en toi, Clément, tu peux le faire. Vas-y. Tu es filmé. Non, il n'est pas filmé, madame. C'est encore moi qui ai la caméra. Ah, je peux faire la caméra main. Tout le monde est content. Donc. Eh ben oui. Mais maintenant, on se taille, on écoute. Oh, ça le pète. Et donc, maintenant, le premier groupe, c'est qui déjà? Oh, les patates carnivores.